Lent d'écume et fume, ce reflet dans tes yeux, où prisonnière était la lune, je ne t'y vois que mieux. Révèle mon image, mais ne détourne pas ta main de mon visage, ici je ne mens pas. Lèvres violacées et corps tendu de froid, plus rien à déclarer, le silence fait loi. Fais taire la discorde, les blessures de naguère, écoute, résonne encore notre amour dans la pierre. Condamné dans les bruyères, la nuit gare ses proies. Attends que la mort, une résurrection, ma peau réclame ton corps, laisse renaître ce frisson. Paysage délabré, abandonné des cieux, c'est dire même les faits ont déserté les lieux. Ne compte de magie, même en dernier recours, laisse-nous vaincre le pire et demain revient le jour. Le matin se fait d'or au reflet de tes cheveux, survivance de l'effort, une larme dans tes yeux. Balaye d'un sourire cette perle noire, n'accroche plus à mes cils que tes rideaux d'espoir.